pare moi, a dit maman zombie pare moi. Crié maman zombie la pare moi. Aïe, on matin, voyons boire, coupé lion, coupé lion, coupé lion, coupé lion, coupé lion, coupé loin, coupé loin. Quand fait des patchés, un cabre zombie pare moi. Chambé en Soukounia, bonjour à tous. Vous êtes dans l'émission Conalambi Musique Jeudi, premier dimanche de chaque mois sur Radio FPP de 16h à 17h. Vous avez entendu à l'instant coup sur coup trois classiques de Kassav, de Germain Calixte et à l'instant de Gramax. Et on vous a parlé de zombies, de Soukounian. Alors pourquoi on s'attarde sur ces figures mythiques et maléfiques de nos croyances antillaises? Eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui on reçoit non pas quelqu'un de mystique et maléfique, mais un artiste qui a consacré une œuvre. Il s'appelle Timalo. Bonjour Timalo. Bonjour. Timalo, donc on reçoit pour la deuxième fois dans notre émission Musique Jeudi. On t'avait reçu pour ton album Demon C'était d'ailleurs à l'occasion de l'anniversaire des événements de 2009 en Guadeloupe. Aujourd'hui, tu nous reviens avec un roman écrit entièrement en créole guadeloupéen, un roman qui est un thriller et un roman fantastique. Alors Timalo, est-ce que tu peux nous dire comment, en 2015, on fait pour sortir un thriller fantastique en créole guadeloupéen? Parce que là, on a plusieurs niches. Comment on en arrive là? Alors, plusieurs choses. Déjà, l'amour de la langue fait que t'as envie d'investir la langue. Et puis, t'écris des choses que tu aimes. Les thrillers fantastiques, c'est quelque chose que j'aime depuis très très longtemps. Depuis que j'ai l'âge de 20 ans, ça me fascine. Je sais qu'il y a un public pour ça. Je sais qu'il y a des Guadeloupéens, des Martiniquais qui aiment ce genre d'œuvres. Et je me suis dit qu'il fallait essayer. Il fallait essayer de faire une œuvre de qualité en créole pour voir si vraiment ce qu'on dit à propos des Guadeloupéens et des Martiniquais, c'est-à-dire qu'ils ne lisent pas, est-ce que c'est vraiment vrai? Et je peux dire aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Les gens lisent. Ok, c'est une bonne nouvelle. Sur le processus d'écriture, donc, on va peut-être s'attarder un peu dessus. Donc moi, j'ai reçu le livre. Alors, je vais le dire en toute transparence, je n'ai pas fini de le lire. Ouais. Pourquoi je le dis? Eh bien, parce que peut-être que certaines choses que je vais relever ne sont pas tout à fait exactes, donc tu vas me corriger. Mais surtout, c'est pour éviter que tu spoiles d'accord, que tu spoiles la fin du livre, parce que je suis en plein dedans et dès que je rentre, je vais continuer. Donc ma question était, oui, la première chose qui saute aux yeux, c'est lorsqu'on commence à lire un livre. Alors moi, c'est la première fois que je faisais l'exercice de lire un roman 100% créole. Je précise encore que c'est du créole guadeloupéen, puisque en fait, eh bien, pour lire ce livre, il faut déjà comprendre le créole guadeloupéen. Tous les créolophones ne parlent pas le créole guadeloupéen. Tu as dit que c'était une volonté de mettre en valeur cette langue. Alors pourquoi déjà le choix du roman? Parce qu'on t'a connu en tant que... On te connaît en tant que slammer, en tant qu'auteur, en tant qu'artiste-interprète, et peut-être encore d'autres casquettes qui me manquent. Pourquoi maintenant attaquer le roman? En fait, j'avais déjà senti la difficulté avec Demon que j'avais présenté ici, la difficulté de vouloir présenter des choses qui demandent à ce qu'il y ait des personnages qui soient incarnés, de les confronter pour qu'ils aient des points de vue. C'était déjà quelque chose que je sentais qui me manquait, en fait. Donc, pour dire ce que je voulais dire à propos de ça, en l'occurrence, la façon dont les hommes et les femmes se fréquentent et se regardent, il me fallait des personnages, il me fallait créer des situations. Et un texte court n'aurait pas suffi, en fait, à présenter ce que je voulais présenter. On rappelle que Demon, qui est un... alors, principalement un disque, mais il me semble qu'il y avait aussi une œuvre rattachée. Il y a un recueil de textes. Mettait en scène donc un homme et une femme, donc c'était déjà très théâtralisé, jusqu'à même avoir deux interprètes distincts donc pour cet homme et cette femme. Donc, il y avait déjà un peu cette dimension, en tout cas de fiction quand même, fiction, si c'était lié à un événement réel. Donc, je disais, la première chose qui frappe à la lecture, c'est le temps qu'on prend à déchiffrer la première page. Ouais. Alors, non pas qu'elle soit mal écrite, mais c'est qu'en fait, on n'a pas. Parler le créole, ce n'est pas le lire. Et c'est vraiment un exercice, je dirais presque pour le lecteur, une sorte de défi qui devient, donc en plus de ce challenge, quelque chose d'assez amusant, puisqu'en fait, on se rend compte que tant qu'on ne s'est pas dit à haute voix, dans notre tête, certains mots, on ne comprend pas tout de suite à la lecture, on n'a pas cette mémoire graphique qu'on peut avoir pour le français, par exemple. Est-ce que tu es conscient de ça? Quel retour tu as eu par rapport à ça? Alors, les retours que j'ai, effectivement, c'est que au début, c'est un petit peu difficile. Et effectivement, le conseil que je donne, c'est de lire à haute voix, parce qu'on n'a pas l'habitude d'associer les sons que l'on connaît à la graphie, qui est une représentation visuelle des mots. Et moi, mon pari, c'était d'essayer de faire une histoire qui soit suffisamment intéressante, suffisamment accrocheuse pour que l'exercice en vaille le coup. Et globalement, les retours que j'ai sont ceux-là, quoi. C'est un petit peu difficile, on met un peu de temps à le lire au début, mais c'est suffisamment intéressant et on y prend suffisamment de plaisir pour avoir envie d'y revenir. Voilà. Et au niveau des formulations ou peut-être de la construction des phrases, j'ai noté donc bien sûr beaucoup de détails descriptifs qui permettent de planter le décor, de mettre en scène, mais aussi une façon de construire les phrases qui ressemble beaucoup à ce que fait Timalo sur scène. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de te voir sur scène à plusieurs reprises, notamment à l'époque... pour un one-man show que tu avais fait, il me semble, au Café de Paris. Oui. Donc, ça date un petit moment. Mais il y a ce côté très théâtral, très stand-up, on va dire. Et on retrouve aussi ça dans l'écriture. Est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu faire ? Est-ce que c'est naturel ? Est-ce que tu n'y as pas réfléchi spécialement ? En fait... Est-ce que tu vois de quoi je parle ? Oui, déjà oui, parce qu'en fait, mon écriture de scène et mon écriture de slammer a influencé, et mon écriture de poète a influencé l'écriture du roman. Et à même à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je ne suis pas en train de sortir des formes du roman ? Est-ce que je ne suis pas en train... De me saper moi-même, et j'avais envie de laisser ça. J'avais envie de dire, mais après tout, c'est moi, c'est mon écriture, et voilà, je prends le risque d'essayer des choses qui soient un peu poétiques, un peu dans la percussion, et puis on verra bien si ça marche ou pas, quoi. Voilà, oui, ce côté percussion qui nécessite en fait à un moment même de lire les phrases assez vite, c'est-à-dire de ne pas s'arrêter trop sur... C'est-à-dire que le style n'a pas l'air littéraire, mais en même temps est très riche parce qu'il y a beaucoup de mots de formulations qu'on utilise, qu'on entend plus très souvent. Alors moi, je suis martiniquais encore plus, encore moins souvent, mais j'ai l'impression que même, pour quand même connaître le créole guadeloupéen, tu es quand même allé déterrer des mots, ou alors peut-être que cette expression qu'on entend à bouillante, je ne sais pas. Mais voilà, il y a à la fois un côté vivant, très tourné vers la percussion, et en même temps, un côté de recherche autour de la langue. Donc c'est assez... C'est encore une autre chose qui surprend à la lecture. Je vais revenir sur le style de thriller fantastique. Donc on a dit, on parle de Diablesse. Déjà, pourquoi Diablesse et non pas Zombie, Soukounian ? Ça part de l'idée que de la métamorphose des femmes, en fait. C'est-à-dire que comme le livre est écrit en réaction à ce qui se passait en 2012 en Guadeloupe, il faut, pour rappel, il y a eu 6 femmes qui sont mortes des coups de leur conjoint. Ou de leurs compagnons. Et moi, je me dis, à un moment donné, ces femmes-là, ils prennent ça, elles ne vont plus accepter ça. Et je me suis dit que quand on arrête de traiter les gens en êtres humains, il faut s'attendre à ce qu'ils ne se comportent plus en êtres humains avec vous. Et donc, j'ai poussé ce trait-là, en fait. J'ai poussé cette idée-là jusqu'à imaginer des femmes totalement transformées en monstres, quoi. Alors, ça ressemble au pitch d'une nouvelle série américaine. J'ai cru lire dans une interview que tu rêverais que des scénaristes ou des comédiens s'emparent de ce livre pour en faire un scénario. Alors, d'un film ou d'une série ? Parce qu'on est à l'époque des séries. C'est vrai qu'on est à l'époque des séries. Oui, enfin, après, moi, je suis ouvert. Hein, si y a envie de faire une série, un film, ne serait-ce déjà qu'un pilote, ça serait déjà bien. Voilà, quoi. Après, donc voilà, donc je balance l'idée à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui sait tenir une caméra. Voilà quoi, s'il faut l'adapter à un scénario, il n'y a pas de souci, moi ça m'intéresserait de faire ça. Alors dans mes connaissances qui ne sont pas exhaustives, j'ai pensé à 2 films qui utilisaient un peu le côté fantastique, alors plus souvent comme un prétexte qu'autre chose, mais dernièrement il y a eu 36 degrés couleur où il y avait cette petite touche là, et beaucoup plus ancien il y avait le film Siméon, mais dans les deux cas, il y avait un côté très léger dans la façon d'utiliser ça. Toi, tu as fait le choix du thriller, c'est-à-dire que c'est un film, c'est un livre, c'est pas encore un film, c'est un livre assez violent. Ouais. Bon, tu as dit que tu étais un fan de thriller, mais est-ce qu'il y a eu d'autres œuvres créoles ou pas qui ont pu t'amener à traiter ce thème-là de cette façon ? En fait, déjà mon influence, elle est de tout ce qu'on appelle la littérature gothique, en fait. Donc, tout ce qui est Lovecraft, le Horla, ce genre d'œuvre, déjà, c'est ça mon influence. Okay. Donc, forcément, c'est déjà à la fois, d'une part, il y a une violence qui est surtout due au fait que la situation est totalement hors de maîtrise de la part des protagonistes, en fait. C'est-à-dire que, et ça fonctionne comme ça. Dans le Horla, à un moment donné, le gars, il passe pour fou parce qu'il n'est plus en maîtrise de la situation. Et c'est le contraste entre le réalisme où on a l'impression que tout est maîtrisable, tout est contrôlable, et l'arrivée du surnaturel qui fait sortir de cet univers-là, qui nous apprend qu'il y a autre chose que l'univers que l'on connaît. Donc déjà, cette influence-là fait une œuvre qui ressemble à celle-là. Après, si on peut trouver des références, il y a peut-être Carrie de Stephen King. Il y a eu 2 versions de 2 films tirés de cette œuvre-là qui sont tous les deux très, très, très, très bien. Un de Palma et un autre de... Donc, j'oublie, c'est une réalisatrice. La dernière version est vraiment très intéressante. Et puis, Je suis une légende, donc je recommande le bouquin plutôt que le film. Ouais. Même si le film est quand même déjà très bien, de Richard Matheson. Ce sont des œuvres qui se rapprochent assez de ce que j'ai essayé de faire avec Diables, même si on n'est pas tout à fait dans le même style d'écriture. Donc déjà, il faudra un certain budget pour qui souhaite faire le film. On va lire un premier extrait, et pour ce premier extrait, c'est même toi qui vas nous le lire. Donc on va planter un peu le décor, on rappelle, vous l'avez peut-être un peu compris si vous avez pris l'émission au début, le livre, le roman Diables parle, déjà se passe en Guadeloupe et raconte ce qui se passe au moment où, comme tu as dit, les femmes n'acceptent plus une situation, et donc après on part un peu dans le surnaturel. Si tu peux nous lire cet extrait qui démarre de Éric Prand, et puis ce paragraphe-là, qui en fait raconte qui plante un peu le décor, on commence à se dire qu'il se passe quelque chose. Éric prend l'escalier là et il traversait galerie là sans voix famille. Galerie là était propre, mais était une chaise qui était bien rangée à l'entour table. Tout naturellement, Éric mettait en place aille, mais il pas manqué songer maman il pas que j'ai laissé chaise là comme ça si tout bien était bien. Il rentre en cuisine là et trouvait café en cafetière toujours et tasse vide à son plateau. T'es qu'à attendre yo vin noue si yo et puis boisson chaud là. Éric te save, c'était papa y qui te ka fait café le matin. Et a pâté l'habitude d'aille fait bite à demi. D'ailleurs pour yon, maman y te besoin un bon café pour te commencer journée aille. Si papa y pâté fin fait café, allez là ça, maman Éric te ka soit levé, fin fait café depuis longtemps. Te nyon un bitin qui pâté kaye. On chaise en quincon sa bagalri là, café qui commençait mais qui pas fin fait et en grand silence. Normalement, allez là ça. Papa était que j'ai limé radio là pour prendre nouvelle et maman était que m'a dit laisser il limé pour y prendre avis d'obsèque. Mais Eric pas te qu'attendre pour son, pour musique, pour voix. T'ayon bitin qui pas te caille. Et Eric commençait inquiète. Timalo Diables, donc évidemment quand on lit ce livre et qu'on connaît un peu l'artiste Timalo, on s'imagine déjà le soir, alors pas autour du feu, parce qu'on s'imagine en Guadeloupe, non pas frette. Mais on s'imagine entendre la voix de Timalo un peu en mode comme un conteur, en fait, qui nous raconte cette histoire. Le livre s'appelle Diables. Et une scène à laquelle ça m'a fait penser à cette scène au tout début du clip de Monsieur Sadik, tout puissant, où ils sont des enfants assis dans le noir avec une personne beaucoup plus âgée qui leur raconte ça. On va écouter tout de suite deux titres plus récents que ce qu'on a entendu tout à l'heure. C'est le morceau de Tiwoni, Mai Ayosal, et le morceau de Monsieur Sadik, Tout Puissant. So we go to them. On le cache, je vais laisser son culte, non, man. Eh, le nibac monté, jeune monté. Le cabamon gagne en fleu. En chemin, c'est sorcier, y'a qu'à dire. Le même mouillé, c'est un palais, parce que y'a qu'à dire, c'est rassi. Le man, c'est moun, y'a besoin de jouer. Voilà, le bonheur avec celui de la salle, pas qu'elle bombe pour l'attrait, non, man. Eh, j'adore le tout, fouillé, tchou, tchou, hey. Mais à ça, et au cas fait sorcier, vous faites à même le cas de Dieu en Dieu. Le pirate dans ça, y'a qu'à dire, c'est l'ancien place, mais ma youra, qu'à y faire, y'a oublié. Mais à et au cas fait sorcier, vous faites à même le cas de Dieu en Dieu. On aime un cas de petit moun à monter, en chien, y'a oublié, en chien, y'a loup, qu'à y aider. Pas de monter, je vais monter, je remonte, et c'est vous, y'a besoin de monter, détromper, y'a qu'à y tomber. En tout genre, gâté, je vous n'en sais. Par gueule enflée, par pied enflé, par main enflée. Mais aïe, à de l'eau, caca, il t'a trempé. Par nous cingler, à part aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, mal tombé. Mais aïe, au sol, et l'eau, qu'a fait sorcier. Pour faire aïe, même, l'eau, qu'a fait silencieux. Le pirate dans ça, aïe, qu'a tué silencieux. Place, mais maïe, la caille, pas de bruit. Mais aïe, au sol, et l'eau, qu'a fait sorcier. Pour faire aïe, même, l'eau, qu'a fait silencieux. Un bien manga joué, que tu m'en as bondi. En chien, le loup, en chien, le loup, qu'a aigué. Pauvre cabrit, qu'elle y a déjà scandé. Pauvre poule, qu'elle y a déjà sacrifié. Ça pas qu'on passe des ça non, y'a qu'à tuer. Des passes juste à moule, c'est ni tient qu'à poule. Y'a ni sorte, ni school, oh bien man school. Boule de cristal school, allo kama boule. Le pays c'est ça qu'à roule. Nanana, le voyant ne fait pas boule. Mais y'a sol, y'a qu'à faire sorcier. Vous faites à y'a même, y'a qu'à jouer séancier. Le pirate dans ça, y'a qu'à tuer l'ancien. Blasphème à y'a qu'à y faire y'a boule. Mais y'a sol, y'a qu'à faire. Yeah, casque d'or, accompli chaque télévision. Nous tous savons que nous n'y pouvons accomplir en mission. Nous qui toujours loué, il que nous guénissons. Cherchez vos limites, mettez force à nos prières. Toujours là pour vous, toujours là pour moi, marchez si chimé. Léo, pas qu'à parler, il savait qu'à Oni, il savait si vous préférez McDo ou Macaroni. Il savait qu'à vous accompagner madame ou avec Caroline, pas qu'à comprendre qu'à vous raser. Parce qu'il savait qu'à votre feuille à Ougaouni. Léo, pas qu'à tout seul, il savait qu'à Oui. Il y avait un rapport carré, juste en Watté, ni Oli. Il savait pourquoi l'ennemi, tout fait pas dormir, man. Oh oh! Nous pas croire en maléfice, même si nous pas souvent l'église. Au nom du Père et au nom du Fils, c'est l'idée d'avoir nous bénédiction. L'équipe puissante, l'équipe puissante. Nous pas croire en maléfice, même si nous pas souvent l'église. Au nom du Père et au nom du Fils, pour nous pas jeter la paix malédiction. Ça qui dit yo capable d'y a dans l'avenir. Est-ce que j'attends parler? Et ça qui dit y avait un gauche chivé yo qu'a détruit. Est-ce que j'attends parler? Et ça qui y avait formule magique yo qu'a guéri. Est-ce que j'attends parler? Les plus folles là c'est bon Nous pas croire en maléfice, même si nous pas souvent l'église. Au nom du Père et au nom du Fils, c'est l'idée d'avoir nous bénédiction. Tiwoni, mais à Yossal, il parle, nous parle des sorciers, des quimboisets et Sadik, tout puissant, notamment dans le mouvement reggae dancehall, pour parler de la musique. Ces considérations-là, ces croyances-là sont souvent associées ou mis en opposition, en parallèle à la religion, comme on oppose le diable à Jésus, c'est-à-dire dans les croyances aux Antilles. Dans ton livre, il n'y a pas du tout cet aspect religieux, entre guillemets, ou superstition. C'est comme si c'était une toile de fond, mais que c'est comme un prétexte pour raconter ton histoire, en fait. Oui, alors il y a une dimension de prétexte, effectivement, il y a une dimension de toile de fond, mais il y a aussi une ambition de revisiter cet univers mystique-là, en fait, d'en lui donner un autre sens. Le mythe de la diablesse au départ, c'est censé être une mulâtresse qui s'habille en blanc, qui nie pas ta cheval, et on est censé pouvoir s'en protéger parce qu'on fume une cigarette ou parce qu'on a la chemise à l'envers. Donc ça existe, et à un moment donné, il y a des passages qui sont qui évoquent des dimensions superstitieuses. Mais moi, j'avais envie de remettre ça dans quelque chose d'actuel, quoi, et de pas rester dans la tradition de la mystique. Donc comme je l'ai dit à l'instant pour le reggae, mais on pouvait déjà l'entendre dans Zombie Bar et Moins de Germain Calix, puisqu'on a droit à tout le Notre Père dans la chanson. On rappelle et le Je vous salue Marie. Excusez-moi. Je voulais savoir si, est-ce que ces histoires-là ont fait partie de ta jeunesse, de ce que tu as pu entendre dans ta jeunesse? Ah oui, ça fait partie des choses qui m'ont... Enfin moi je reste, j'ai beau avoir fait des études, être quelqu'un qui a un parcours plutôt cartésien, ou peut-être fait moi une bouteille de canon cachimé, c'est pas possible, tu vois. Ça fait partie de ma culture, c'est à tel point ancré que ma capacité de raisonner n'arrive pas. Il y a des choses que je touche pas, quoi. Et donc oui, c'est des choses qui m'ont bercé. Il y en a d'autres, il y en a certaines avec lesquelles j'ai pu prendre un peu de distance. Il y en a d'autres, elles sont vraiment chevillées au corps, quoi. Comme tu as dit, ton ambition aussi d'enrichir tout ce patrimoine. On a dit que le roman touchait au surnaturel, mais ce qui est très intéressant en termes d'espace-temps, c'est qu'on est au temps actuel, parce qu'on parle de téléphone, de tablette. Voilà, on n'est pas dans les temps anciens, dans les histoires d'avant, et on est aussi dans un décor réel, puisque c'est la Guadeloupe contemporaine, voire même la Guadeloupe profonde. Alors, il y a l'expression « gisse bouillante » qui revient quelques fois dans le livre. Je crois comprendre que c'est ta commune. Oui. Alors, il y a un petit passage, je n'ai peut-être pas le temps de lire celui-là, où le début du chapitre 8 qui raconte qu'en Guadeloupe, on s'en fiche un peu de cette région. Je veux savoir si... est-ce que c'est pour les besoins de l'histoire ou est-ce que tu as, Denis Apoudi, tu avais quelque chose à dire là-dessus? Je pense que, alors c'est le trait est un peu forcé dans le livre évidemment, mais je pense qu'il y a une tendance au centralisme en Guadeloupe et en Martinique. Vous connaissez bien le phénomène aussi. Il y a une tendance à considérer que ce qui se passe, c'est ce qui se passe en ville. La façon de voir le monde, c'est la façon de voir de la ville. Alors qu'il peut se passer des choses, il peut y avoir des signes avant-coureurs de l'état de la société dans les campagnes. Et que malheureusement, c'est toujours compliqué pour que la presse intervienne, c'est toujours compliqué pour qu'on vienne voir ce qui s'y passe. Et malheureusement, c'est aussi un peu à cause de ça qu'il y a des réflexes ou des choses ou des habitudes qui sont intéressantes, qui sont perdues. Et donc c'était aussi l'occasion, ouais, effectivement, de dire ça. dans le livre, donc comme tu as déjà un peu répondu à la question qui arrive, mais comme il faut que je lise les passages, je vais quand même te la poser. Tu as dit que c'était aussi l'occasion de trouver un nouveau média, une nouvelle façon de dire ce que tu avais à dire. Ouais. Tu as toujours parlé de la réalité, mais plus, très précisément de la Guadeloupe, de feux de société, etc. On pourrait se dire, passer par le surnaturel pour parler de ça, ça pourrait surprendre. Mais en fait, à la lecture, c'est assez flagrant. Donc, je vais lire un petit passage que tu vas nous commenter. Là, on voit Gabriel passer devant un centre commercial là. Il était obligé de laguer en gros qui. Parking là, t'es plein. Plein moon, plein voiti. À tout pendant, cadavre, un PTK pourri par l'autre côté. Des bougs, des grands cas, t'es qu'à babier pour un caddie à dans parking là. Allant tout à yo, un peu moun t'es qu'à courir, charger voiti à yo et puis commission, yo t'es sauté acheté, surtout de l'eau. Ça semble très actuel. c'est très actuel. C'est quasiment une constante en Guadeloupe. Dès qu'il y a des moins de civitains, les gens se précipitent au grand centre commercial. Et à la station-service. Et à la station-service. Et parfois même siphonnent des bacs en prévention des problèmes d'essence. Ce qui donne en fait, au livre en fait, un côté très... réaliste, alors que le mot ne devrait peut-être pas s'accorder. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a, en plus du narrateur de l'histoire, est-ce qu'il y a un personnage qui, caché dans le livre, prend la voix de Tim Allo ? Dit ce que Tim Allo a envie de dire. Je crois qu'il y a un peu ça dans tous les personnages. Pour les faire vivre, il faut qu'ils y mettent un peu de moi à chaque fois. Donc je suis un peu dans chacun des personnages. Il y en a... Il y en a peut-être qui sont qui me ressemblent un peu moins, comme le personnage d'Olivier me ressemble un peu moins. Heureusement. Voilà, mais sinon ils sont un peu tous. En fait, c'est en forçant le trait. Parfois c'est je prête mes pensées à des personnages. Et la difficulté justement, c'est de faire en sorte qu'ils ne parlent pas avec ma voix. C'est qu'ils aient leur propre voix, qu'ils aient leur propre vocabulaire, leur propre façon de s'exprimer. Une voix qui se positionne pas mal dans le livre, c'est un point de vue sur les relations hommes-femmes aux Antilles. Donc, on a dit le point de départ de ton histoire, mais plutôt de ta réflexion, de ton envie de parler de ça, c'est les violences. Donc, tu as parlé spécifiquement de l'année 2012. D'une manière générale, on sait que la Martinique, enfin la Guadeloupe et la Martinique, dans le même cas, sont parmi les départements les plus violents de France, et j'avais vu aussi dans des statistiques que c'était aussi parmi les derniers départements en termes de violence pour des vols, car beaucoup de ces violences en fait étaient gratuites et avaient pour but de blesser. On va parler tout de suite de ça. On rappelle aussi d'ailleurs qu'en France, une femme meurt des coups de son mari tous les deux jours, donc c'est un problème encore plus général que cela. On va écouter tout de suite deux titres. Un titre de la décennie précédente déjà, et un titre de celle-ci, Paille pour pleurer et Admiralty l'emmou d'Angéré. Oh, qui ça fait moi ça? Vous êtes ou pas, mais c'est mal à faire de vous le comparer, hein? Battle! Hein? Chaque langue a fait moi ça? Rien fait. Venez-vous! Montez-vous, ça parlez pas, mon gars! Montez-vous, ça parlez pas, mon gars! Vous parlez pas, mon garçon! Façon, massif, la première fois sera toujours une fois de trop. Some me told them, mais je veux plus l'entendre pleurer. Il n'a pas le droit de la faire souffrir, je veux plus l'entendre pleurer. Son cœur est noir, et rien de mieux l'attendre, je veux plus l'entendre pleurer. Non, je veux plus l'entendre pleurer. Depuis 7 mois, elle s'abandonne complètement. Quand son homme oublie d'être froid, un cœur qui trouve son traitement, et c'est peut-être le bon 7 fois. Lui qui lui dit discrètement, chérie, viens vivre avec moi. Il parle pétant, il commande pas pète froid. L'amour suffit à plein de gens, alors pourquoi pas 7 fois? Ils se comprennent parfaitement, en tout cas c'est ce qu'elle croit. Mais c'est trop tard maintenant, ils vont vivre sous le même toit. Et depuis j'entends pleurer, il n'a pas le droit de la faire souffrir. Je peux l'entendre pleurer. Ha! qu'elle ne savait pas. De l'amour, il n'en avait pas. Mais la force, elle la trouvait pas. Quand il voulait et qu'elle voulait pas, elle sort et ça lui plaît pas. Il crie, mais elle se tait pas. Il veut contrôler tous ses pas. Lui, voit ce qu'elle ne fait pas. Mais elle, elle en a assez. La chaîne, elle veut la casser. Elle a décidé de tracer. Mais ça va pas bien se passer. Le frère est bien agacé. Veut pas la laisser passer. Je crois parole déplacée. Des mots qu'on peut pas effacer. Les chaises, il va les casser. Il va même la menacer. La rage va le dépasser. Et c'est elle qu'il va tabasser. Oui, tout ça est insensé. Elle n'y aurait jamais pensé. Mais il va recommencer. Et la peur l'empêche d'avancer. Donc elle prie le tout puissant. Puisqu'il lui reste plus que ça. Les factures, les os cassés. À qui de parler de ça? Son bonheur est en souci. Pour des chaînes qui ne cassent pas. Et les années vont passer. Mais la douleur ne passe pas. Ouais, oh, qu'a sorti et puis monsieur depuis 6 mois. Ça t'est bien avant des mémoires. Allez, qu'a frappé au compte siwa. Accommode la symphonie loi. Mais pas garder ou en miwa. Car là c'est miwa couloir. Pour câbler de tous les soirs. Et moi, peux pas t'y attendre. Peux pas t'y parfum. Ouais, en plus, il t'a trompé. Ouais, d'autres femmes. L'amour là, ça y est dangereux. Piché au café. Puis qu'elle est dans cicatrisé. Et moi, peux pas t'y attendre. Peux pas t'y parfum. En plus, il t'a trompé, ouais, d'autres femmes. L'amour là, ça y est dangereux. Dangereux, dangereux. Oui. Tous les jours, c'est un seul barbier. Ça t'a goûté, non, lady, ça va normal. L'amour là, ça dangereux, ce n'est que ce qui fait mal. Même des fois, il faut se faire l'amour après, on va sentir sale. Il dit, on va oublier, c'est qui mal là. Moi, sauve, il t'a traité au bon épave. Faire travail comme esclave. Et comme, on fait pas mon sauve, on va cacher ça, ça grave. Dissimulé. Noir et lunettes, qu'on prostitue et pop sénat. La voisine qui a fait la fin de la tonne, mais pas du parfum. En plus, il a trompé, ouais, d'autres femmes. L'amour là, ça y est dangereux. Piché au café, puis qu'il est dans ce cas, tu sais. Et moi, mais pas du parfum, mais pas du parfum. Mais Wadi, pas ni pour nom qui n'est pas science jeudi jour. Moins de tibab, moins de parole. Faut yo j'ai levé mes si haut. Un peu femme te ka pran kou en Guadeloupe. Femme intelligente, femme instruite, belle femme. Femme qui savent sa yove et qui pas pédille. Femme qui ni courage, femme qui ni patience, femme qui ni douceur, femme qui ni fausse. Toute qualité femme te ka pran kou en Guadeloupe. Femme qui l'a sipoté et qui pas pédille. Comment tu as été sensibilisé à ce sujet-là, à ce problème-là? Je crois, enfin, comment j'étais sensibilisé. En fait, il y a eu un article qui récapitulait la longue liste des femmes victimes de violences en 2012. Et dans le même temps, j'en discutais avec des amis, des hommes et des femmes qui me racontaient chacun leur vision des choses. Et ça m'a permis de repérer 2-3 petites choses qui, à mon avis, mène à une forme de violence, même si toute la violence n'est pas forcément meurtrière, mais mène à une sorte de violence. Et en particulier, la pression qu'il peut y avoir sur les femmes arrivées à un certain âge, si t'as pas un gars, comment ça se fait? Voilà, sans avoir un problème, parce qu'elles ont pas de gars, arrivé à un moment donné de leur vie. Et ça aussi, ça met une pression, et c'est une forme de violence que les femmes se font entre elles. Et donc en fait, il n'y a pas... Évidemment, hein, c'est sans aucune mesure comparable à ce que à un meurtre. Hein. Enfin, je ne veux pas mettre les choses au même niveau. Mais ce sur quoi je voulais mettre l'accent, c'est sur les choses qui sont dans notre société, dans notre culture, qui amènent à ces distensions-là, quoi, et peut-être participer à la réflexion sur ce sujet. Parce qu'en fait, oui, on parle de violence conjugale, mais plus largement, même assez largement, les relations hommes-femmes sont quand même pas mal traitées. Dans ce livre, et d'ailleurs à des âges différents. Je pense d'abord aux parents de Gabriel, où il y a un passage qui m'a interpellé. D'ailleurs, attends, je vais te le retrouver en direct, en espérant ne pas prendre trop de temps, qui parlait notamment de distribution de distribution des rôles entre l'homme et la femme aux Antilles, et donc depuis, ben, on va dire, la génération qui est déjà senior maintenant, et j'imagine que c'est encore pire avant. Si Gabriel, pas tes vins, suivez vaisselle là et ranger, maman était qui trouvait tout cela dans la cuisine là. D'avoir jamais au grand jamais, papa et pas t'es qui levé pour bama les raisins là, on parle. Là, on voit Michel, t'es douvant télé là comme ça, ou pas t'es en droit demander à rien. Ça t'est qu'a aigri Gabriel de parfois, mais il t'est fin pas accepter j'en famille aïe qu'à vivre. Qui fait, ces femmes-là, t'es en cuisine et nom-là, t'es au salon. Et je trouvais ça assez intéressant de, ça fait comme, en fait, de partir presque de l'origine, en fait, entre guillemets, de l'origine de ces problèmes-là. Et je voulais savoir si ça ne t'avait pas dérangé que dans ton livre, parce que là c'est vraiment le côté soft, mais les hommes ont vraiment le mauvais rôle. Bah, déjà, ça commence par un retournement de situation. Ça commence par un homme qui est lui victime, pour le coup, quoi. Et un homme dans le pire, l'archétype de l'homme solide, quoi, qui est victime. Donc, c'était déjà pour donner le ton. Alors, je veux pas te gâcher l'histoire, mais il y a quand même des hommes bien là-dedans. Il y en a un qui a un potentiel. Je suis pas encore arrivé au moment où il va révéler ce potentiel, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que ben, forcément, on parle pas d'amour, mais on parle de relations de pouvoir, hein, de puissance. On a déjà parlé avec toi de profitation dans un autre contexte, mais là, je vais le mettre maintenant entre l'homme et la femme. Et vous songez en qui Jean Bougla, qui était un mail à soi-disant, t'es traîné à tes concerts pillés. Et vous songez toutes ces girées-là, toutes coups-là. Il réalisait ici tout ça, à pas parce qu'il était mérité. A pas parce qu'il était cherché ça, mais simplement pas d'avoir, il était en forme. Et non me lâche, et même profiter à si forme. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Enfin voilà, je trouvais que ben, c'était dur et juste. Hein, de toute façon, c'est de ça dont on parle. Et dans le livre, sans révéler aux gens, on voit que même dans une situation extrême, c'est à ce moment où je suis arrivé pour l'instant dans le livre, même dans une situation extrême, l'homme ne se grandit pas forcément et profite toujours sur celui qui est plus faible, en fait. Oui, le truc, c'est ça. C'est la facilité, c'est de, quand tu peux, c'est de t'autoriser des choses qui sont injustes et qui sont immorales. Et c'est la facilité, c'est celle-là. Et la difficulté, c'est justement de rester digne et de ne pas essayer justement de mettre l'autre dans une situation indigne. Le point de départ mais de cette prise de conscience vient de la femme. On va écouter Simone, notre chroniqueuse paroleuse que tu vas retrouver en toute fin de liste, qui depuis Amsterdam vient nous parler un peu de ce sujet. Elle nous a fait un petit texte que tu nous commenteras après. Super. Moi aimais un petit brun, en chaille passionnément, presse vine fou, pas du tout, pièce pas, même pas. Moi aimais un petit brun, en chaille passionnément, presse vine fou, pas du tout, pièce pas, même pas. Moi aimais un petit brun, en chaille passionnément, pièce pas, même pas, pas du tout. Moi aimais un pas du tout, moi aimais un pas du tout, pièce pas, même pas, presse vine fou. Moi aimais un presse vine fou, moi aimais un presse vine fou, pas du tout, pièce pas, même pas, même pas, même pas, ne m'aime pas, si c'est comme ça. Passionnément, presse vin fou, pas du tout, pièce pas, même pas. Ne m'aime pas si c'est comme ça. Pas aimer moins, pas déménager moins, pas meilleur moins, même pas. Les ou love en moon, en manière, quoi de son maniaque. C'est que l'amour appelle Adam, paquet de chac. Tibouin, en chaille, passionnément, presque vine fou, pas du tout, pièce pas, même pas. Ne m'aime pas si c'est comme ça. Pas aimer moins, pas démener moins, pas m'aimer moins. Même pas. Et li là, qu'a dit en chèye, m'en ka allé, m'en lé allé, m'en maillé, m'en pas marré. Fok ni fos. Des maillons attrapent avant paix d'en fil. Mon ka allé, mon pas mari, demain je partirai. Mon ka allé. Demain je partirai vers des matins teintés d'amour. Fini les bleus de méthylène, fini l'erreur et les douleurs. Demain je partirai. Demain je pars. Vers les urgences que le temps a dressées, pour panser mes plaies diluviennes, les douleurs soufflées sur ma peau, celles que tu as laissées pleuvoir en rafales de peine, en rafales de haine, quand tu battais un fer brûlant d'éthylique colère. Tibrin, enchaille, passionnément, presse vine fou, pas du tout, pièce pas, m'aime pas. Ne m'aime pas si c'est comme ça. Pas aimer moins, pas démener moins. Demain, je partirai. J'ai dit 100 fois ces mots et ne suis jamais parti. Pourtant, je veux quitter cette patrie de Stockholm et passer la frontière pour revenir au pays de moi-même. Sans syndrome à suppliquer, ni Saint-Ol à frictionner, ni Saint-Glinglin à espérer, ni Saint-Michel à prier. Ma promesse n'est plus vaine. Demain, je pars. Pour oublier cette tâche écarlate de trop de souvenirs, de sang coagulé sur mes rêves soumis, et je tourne le dos au maudit de tes poings. Ne m'aime pas si c'est comme ça. Pas aimer moins. Pas démener moins. Tu sais, ce n'est plus la terreur qui cache mon visage. Je veux conserver mienne ces larmes glissant contre mes seins, perles précieuses cultivées sur le champ de tes coups. Tu ne savoureras point leur sel cette fois. Même pas. J'ai gravé sur mon bras le goutte à goutte de tes assauts. Il n'y aura pas de place pour un trait de plus. Aujourd'hui s'arrête la danse. Tu ne joueras plus de violon à ma miséricorde. Je veux barrer ce code d'horreur que j'ai laissé devenir tien, au gré de tes caresses feintes, au gré de ma maîtresse crainte. Demain, je partirai et ne reviendrai plus. Pas même si tu me dis que tu m'aimes, pas même, même pas. Ne m'aime pas si c'est comme ça. Simone Lagrand, chroniqueuse paroleuse que vous avez déjà entendue dans Musique Jeudi et que vous allez entendre certainement de plus en plus souvent et qui nous permet tout de suite de ne pas simplement rester entre hommes pour parler des relations hommes-femmes. Timalo, quelle est ta réaction à chaud ? Je trouve que c'est salutaire déjà d'avoir un sentiment féminin sur le sujet, un point de vue féminin sur le sujet. Il y a cette dimension-là en fait de ce que ça fait de recevoir les coups dont je ne me suis pas autorisé à parler. Et je pense que du coup, c'est important que les femmes en parlent, c'est important que les hommes écoutent. Voilà, donc merci Simone. À la lecture, on a quand même cette impression que voilà, tu as... Alors je ne sais pas si tu as beaucoup interviewé de femmes ou c'est simplement voilà, dans ta vie, tu as, comme nous tous, tu as eu l'occasion d'avoir des retours. Mais c'est vrai que c'était, voilà, comme on a dit, la violence ne frappe pas une catégorie unique de femmes. L'instruction, les études ou le niveau social ne préservent pas de ce genre de cas. Et comme tu disais, il y a toute une pression sur les femmes qui s'exerce. Il y a notamment ce passage où l'un des personnages redevient célibataire et doit se remettre au travail, entre guillemets, parce qu'on ne doit pas rester seul à son âge, etc. Si je retrouve, ça disait quoi ? Mi-alé, c'est à Sidoaï, toute cousinaï, qu'est qu'à laver l'angayo. Par rapport à ça, faudrait que vous commencez toutes. Ce type ou joigne, et puis un paquet de boloko qui pas ni conversation. Fait conversation quand même, mais pas trop. Pour yo pas senti à qui point ou qu'à voué yo couillon. Si pote l'ode a souhait à ses messieurs, si pote yo kavin beau et puis bouche à yo plein alcool et la fumée, si pote tout ça et si pote yo kani d'autres femmes de yedouao, si pote tout ça ensemble et puis d'autres femmes qui a dans même emmerdation la épi, et puis un pénom couillon tebe. Sipoter tout ça, plutôt que sipoter d'autres femmes qui, malgré yo savent qu'à ça y est, peut pas laisser au tranquille si vous décidez ou ne pas vivre comme ça. Ou ne pas vivre et puis yo, non. Ou ne pas voir yo, non. Ou bon et puis yo, non. C'est quoi? C'est du vécu. C'est, ouais, c'est du presque entendu, vécu. Ouais. Du entendu, du ressenti. Ouais, oui, ça c'est sûr, ouais, c'est sûr. C'est non, voilà, c'est juste ça pour dire que ben, c'est toujours délicat ben, que ce soit un homme qui prenne la parole pour traiter de ces sujets-là, et c'est fait avec beaucoup de sensibilité et de justesse. Bon, là encore, c'est l'appréciation d'un autre homme sur le sujet. On va faire un parallèle avec tes œuvres précédentes. Donc, comme on a dit, Demoon prenait déjà le... Alors, sur un sujet particulier, mais il y avait une opposition d'opinion entre un homme et une femme. Mmh. On va écouter tout de suite un petit extrait d'un morceau où tu parlais de femmes allumettes et de noms mobilettes qui disaient déjà qu'on ne pouvait pas s'entendre. Et on a l'impression que là, ça y est, c'est avec ce livre, c'est fait. Qu'il n'y a plus d'espoir. Donc tu vas nous répondre sur ce point juste après. Allégé, pneus surgonflés, châssis rehaussé et surtout moteur flex pouvant rouler à l'alcool. Femme vine comobilette. Non vine cosalimette. Cosalimette. Brûlé. Mec conclou, c'est toujours rouge. Sauf là où voyez craquer. Avec un vine complètement allumé. Et c'est vous avec un café poudre. Non, vin qu'on s'alimette. Femme, vin qu'on mobilette. Zalimette et mobilette, pas qu'à mélanger. Sinon, y'a peut exploser. Zalimette, caresté, zalimette. Mobilette, caresté, mobilette. Et nous rivez la noukali. Et nous rivez la noukali. Timalo. Eh oui, eh oui déjà. Cette opposition, voilà, cette rupture presque entre l'homme et la femme, donc, que tu as concrétisée dans le livre Diables, qu'est-ce qu'elle nous dit de l'urgence réelle en Guadeloupe aujourd'hui ? Alors, l'urgence, enfin, effectivement, c'est compliqué parce qu'il y a un sentiment d'urgence, et c'est un sentiment d'urgence que j'ai depuis longtemps, mais en même temps, c'est de la culture dont on parle. C'est pas un épiphénomène, c'est quelque chose qui est ancré en nous. Il y a eu, en Guadeloupe, il y a eu des congrès consacrés à la violence, il y a eu des marches. Encore aujourd'hui, il y a ici à Paris, il y a eu des marches sur le sujet. Donc, en fait, il y a une transformation de la façon dont on fonctionne qui doit s'opérer. Et pour ça, un roman, malheureusement, ne va pas y suffire. Il faut que les artistes jouent leur rôle. Et je crois que, ben, on a entendu Tana Sienval et Simone Lagrand. Il y en a d'autres. Je pense à Mimi Nelzi sur l'album Âme Nouvelle. Elle a un morceau qui parle aussi de ça. Enfin, je pense que les artistes ont une carte à jouer pour sensibiliser les gens et se poser des questions. Il faut essayer toutes les formes, le théâtre, la musique, la peinture. Il faut essayer. Et puis, il faut aussi qu'on continue à soutenir les acteurs sur le terrain, quoi. Les maisons de l'enfance, les refuges, ce genre de choses. Et dans l'avenir, peut-être qu'ils vont en lumière, quoi. Alors, voilà, super transition, puisque notre émission s'appelle Musique Jeudi. Donc, on a suffisamment triché en évitant un romancier. dans le livre Diables, j'ai noté qu'on parle peu de musique, mais lorsqu'on en parle, c'est pas dans des termes très flatteurs. Donc j'ai deux cas en tête. Je crois que c'est Jessica qui est donc en voiture avec Olivier et qui lui impose une radio Zouk. Alors j'ai plus les termes exactement, mais ça avait l'air assez pénible. à écouter. Et l'autre cas, c'est Gabriel qui tombe sur une bande de malfrats en herbe ou aboutis qui écoute un rap mal élivé. Donc je voulais savoir pourquoi c'est seule référence à la musique et pourquoi aussi négative. C'est une très Est-ce que bonne c'est question. Pas un regard très négatif de Timalo sur la musique contemporaine en Guadeloupe? C'est paradoxal effectivement parce que j'ai un ami Starji qui a s'occupé de produire le concert de Drex et donc du coup j'ai écouté et c'est très bien écrit. Donc voilà. Après, je trouve que c'est par contre qui passe à la radio, pour le coup, c'est pas forcément très flatteur et c'est pas forcément très bien écrit. Et le fait de baigner là-dedans, je me rappelle encore une fois d'une discussion très vive qui a lieu avec Patricia Blafont-Robo à propos du morceau de Ridla, Chenchou Dwet. Elle a écrit un article pour allumer le morceau, alors qu'à côté de ça, ça c'est une contribution, mais à côté de ça, il y a plein de textes, plein de très beaux textes, très bien écrits, à la fois sur le sujet de l'éducation ou sur tout un tas d'autres sujets qui ne passent pas à la radio et qui, eux, par contre, ne font pas l'objet d'articles élogieux. Et donc forcément, à force de baigner dans une médiocrité, on finit par avoir des comportements médiocres. Alors l'une des médiocrités en termes de texte, puisqu'on parle des relations hommes-femmes, c'est la façon dont est traitée la femme dans les musiques. Alors pas forcément à la radio, mais en tout cas qu'écoute la nouvelle génération. Je pense alors bien sûr au dancehall qui réduit souvent la femme à un poum poum short et à certains clips, mais plus encore pire dans le bouillon et la trappe. Quelle était déjà ma question? Attends. On parlait de la musique. On parlait de et de la représentation de la femme. Représentation de la femme. Et je ne retrouve pas du tout ce que je voulais en dire. Alors, peut-être que j'avais juste envie de critiquer. Mais on va enchaîner sur le créole. Donc sur la façon dont on utilise le créole dans la musique actuelle. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais que tu as déjà écrit, tu as déjà pris position, notamment sur ton blog, sur la façon dont on utilise, dont on écrit aussi le créole dans les œuvres principalement musicales. Quel est donc ton regard sur cette production actuelle créolophone? Alors, comme je le disais, moi j'ai découvert des choses assez intéressantes de la part des nouvelles générations. Après, je crois sincèrement qu'il faut se puiser dans notre patrimoine pour améliorer son écriture. Je pense que le travail de Saint-Éloi, le travail d'écriture de Saint-Éloi, au-delà de ses grandes qualités de chanteur, il y a vraiment des choses à travailler. Justin Deward, c'est plus un secret que je pense beaucoup de bien de la plume de cette dame. Donc on a beaucoup de choses dans notre patrimoine, ne serait-ce que musical, uniquement musical déjà, en termes d'écriture, qu'il faut y puiser et exploiter pour écrire mieux demain. Et malheureusement, il y a, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on n'a pas d'école, peut-être parce que les gens... Tu t'arrives, tu débarques, t'écris quelque chose et puis tu te crois le roi du monde, quoi. C'est un peu dommage. Ce qui m'a permis de retrouver mon idée de tout à l'heure, qui est quand même liée. Donc je parlais de la façon dont on parle de la femme dans les textes. Il y a une espèce de dichotomie un peu grossière entre la femme objet, du coup, notamment dans le bouillon, la trappe, etc. Et la femme idéalisée, donc la femme potomitan. Tu le dis à un moment dans le texte, j'ai plus trop le temps de le lire parce que ça file, mais on est dans une culture où à la fois on place la femme, on lui donne toutes les responsabilités, on la place au centre de la famille, au centre de tout en tant que femme potomitan, et en même temps on la traite mal, yoka fait tout ça yopé pour démolir femme. À force qu'on y est si potomitan, c'est si elle va tomber si t'es avant. Ah voilà, c'était ça la meilleure phrase du passage. Tu connais ton roman par cœur, c'est très bien. Presque. Je voulais savoir comment, justement, tu vois cette production musicale actuelle où la femme, eh bien, alors sans parler de car wash, etc., je crois qu'il y a une référence dans le livre. Il y en a, oui. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'il faut sortir du syndrome de la schtroumpfette. C'est-à-dire que globalement, il y a des objets Et puis, il y a The Queen, Ma Queen, qui est super géniale. Et en fait, les femmes, comme tous les êtres humains, il y a une diversité et il peut y avoir du bon et du mauvais en chacun. L'important, c'est qu'on reste dans la dignité. Moi, il faut absolument rester dans la dignité et dans le respect de tout un chacun. Et si l'attitude de l'autre fait que tu as envie de sortir d'une attitude respectable, il faut s'éloigner. Alors évidemment, c'est plus facile pour l'homme de s'éloigner, puisque quand la femme s'éloigne, elle se fait taper. Et c'est là où c'est difficile. Et donc au bout d'un moment, enfin, on arrive à des crispations et la société n'avance pas. Donc je pense que voilà, cette représentation, déjà, évitons de parler de ce qu'on ne connaît pas. Et donc les gens qui ne connaissent pas les femmes, il ne faut pas écrire dessus. Voilà, donc Timalo connaît bien les femmes. Il a écrit le roman Diablesse. Comment on peut obtenir ton roman? Alors, d'abord timalo.com pour tout le monde partout sur la planète. Et puis, je serai à la Plume Antillaise le 14 novembre. Ça se passe à l'École supérieure des télécoms. Donc, j'en parlerai sur mon site internet timalo.com pour tous ceux qui veulent me retrouver là-bas et faire signer le bouquin. Facebook, Twitter, Instagram, l'homme Timalo est présent partout. Voilà. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y aura, comme tu as fait sur tes œuvres précédentes, un disque autour de Diablesse? Alors, ça fait partie des idées, mais pour l'instant, voilà, j'ai pas encore le début de l'espoir de l'idée de faire un album, mais voilà. Et peut-être un album de contribution, inviter des gens, une compile, je sais pas. On a laissé la conversation filer. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce roman. Moi-même, je ne l'ai même pas fini et je pourrais encore tenir une heure supplémentaire. Merci à tous ceux qui ont écouté. Connectez-vous pour commander ce roman Diablesse. J'avais prévu plusieurs morceaux pour terminer sur le sujet. Tiwoni Jabeniyo, en hommage à la femme. Mais je vais laisser plutôt la parole à une femme, avec notamment sur la déconstruction du concept de femme potomiton. On va écouter Génie avec le morceau Femme ici. S'il nous reste quelques secondes, on écoutera également Amour suprême de McFly. C'était EDS dans Conlambi Musique Jeudi et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Ni sa ki jok, sa ki emab, sa ka ba obok. Nou se fam isi. Sa ki vle sam nan pou kontrole y oubliye nou sa liye. Nou se fam isi. Manipilez, kapon ez, kalkilez. Nou se fam isi. Pou sensib fam ki bel fam natire. Nou se fam isi. Pon yon pa kasan men nou tout se. Nou se fam isi. Si ou ve te gade ou ke petye. Poto trop raide, poto pas vivant, même si en mi-temps. Femme qui prend force, femme qui faiblit, femme qui goûte, mais pas si vivant. Sans dit poto, mi-temps raide, douette, il n'y courage, pas qu'à mollir. Mais femme, c'est sens délicat.